Donc, je passe maintenant la parole à Benoît Hazard. Dans les paysages contestés de l'Anthropocène, on retourne à la notion d'Anthropocène, une géothermie pour les Maasai, assortie d'un point d'interrogation. Oui, merci Claude. Un petit peu à la différence de ce que je fais d'habitude dans le cadre de l'atelier de l'Anthropocène, j'ai souhaité vous présenter un texte sur lequel je travaille en ce moment, qui est un retour à l'empirique, mais qui est une illustration de ce que je prône pour travailler la question de l'Anthropocène. Je pense effectivement, enfin le point de départ de ma réflexion, c'est que je pense que les théories de l'Anthropocène qui ont été élaborées dans la sphère des géosciences et des sciences de la Terre sont des thèses assez complexes pour que nous puissions formuler des questions dans le langage et dans la formulation qui est celle des sciences sociales. Ce n'est pas un rejet de l'interdisciplinarité, bien au contraire. Il me semble, en tant qu'anthropologue, qu'une des manières par lesquelles nous pouvons travailler la question de l'Anthropocène, c'est celle à laquelle d'ailleurs appelle notre collègue Francis Château-Renaud, celle des scènes de l'Anthropocène. Et donc je voudrais vous présenter aujourd'hui un travail que je mène sur une scène de l'Anthropocène, qui est le cas de la géothermie dans les Maasai Land. Alors, l'événement anthropocène accompagne l'avènement des géosciences et une vision dans laquelle les technologies seraient la voie permettant d'habiter ce que fut la Terre-mère. Dans la vallée centrale du Rift, l'énergie géothermique, scène africaine de l'anthropocène, incarne cette tendance à penser notre devenir à travers le prisme des technologies vertes qui permettent la capture de nouvelles ressources et leur transformation en énergie à destination des zones urbaines. En substituant l'extraction de nouvelles ressources géologiques non usitées à une trajection du milieu et de son environnement, les paysages pastoraux en l'occurrence, la géothermie organise l'éviction des Maasai de leur territoire, tout en imposant dans le même temps le dualisme nature-culture dans des sociétés où l'interdépendance entre des modes de vie et les modes de vie et les ressources a produit des constructions sociales, culturelles et symboliques du paysage. Et c'est donc à partir d'une anthropologie du paysage, considérée ici comme une scène, des formes investies par les sociétés d'éleveurs d'un processus de reterritorialisation, que je questionne la rupture introduite par l'anthropocène à travers la géothermie, c'est-à-dire l'absence d'une logique du lieu, d'une pensée du milieu, pour reprendre les termes d'Augustin Berck, dans ce qui ressemble à une ontologie des modernes, même si j'ai quelques réserves avec cette idée. Alors il ne s'agit pas, je le dis tout de suite, d'une approche qui vise à promouvoir un cosmopolitisme de la nature. Enfin, c'est des choses qui sont un petit peu débattues par Philippe Descola, parce que pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici, mais sur lesquelles on pourra revenir. D'abord, en quoi la géothermie dans la vallée du Rift est une anthropocène? Une anthropocène. La géothermie offre aujourd'hui, dans la vallée centrale du Rift, la possibilité d'explorer les conditions et les possibilités de la vie humaine dans l'Anthropocène. Elle a été promue par les géosciences, en particulier dans les années 70, par les chercheurs du BRGM en France, qui menèrent de grandes enquêtes en Afrique de l'Est, sous la figure tutélaire du volcanologue Haroun Taziev. Et ils avaient déjà dans l'idée que la géothermie pouvait produire et constituer une énergie alternative aux énergies fossiles, énergie permettant dans les pays africains de produire de l'électricité. Or, depuis les indépendances, l'accès à l'électricité n'a jamais été pour un certain nombre de pays africains une priorité, et encore moins au Kenya. Jusqu'à une période récente, la consommation d'électricité était extrêmement faible, 121 kWh par habitant, et elle était orientée vers les zones urbaines à 60% et vers les zones rurales à 12%, ce chiffre étant contestable, c'était probablement moins. Le taux d'accès national de la population au réseau électrique se situait, quant à lui, entre 15 et 25%. Il était largement inférieur à la moyenne de 32% des économies en développement. Et principalement, la production d'énergie était fondée sur l'énergie de la biomasse, les sources comme le bois de chauffage, le charbon de bois, les biogaz, les déchets de la biomasse, qui représentaient au Kenya 68% de la consommation totale de l'énergie. Donc, on était dans une situation où, très clairement, un pays comme le Kenya, jusqu'à une période très récente, qui a 10-15 ans, et encore aujourd'hui, dépendait complètement à 80% de combustibles ligneux à usage domestique, ce qui, outre les effets néfastes sur les forêts du pays, devenait problématique pour un pays qui s'affiche champion en matière de conservation de la nature. Les représentant une source d'énergie alternative aux énergies fossiles, productrices de CO2, l'essor de l'énergie géothermique en Afrique de l'Est est principalement directement lié au scénario d'optimisation du climat. Alors, pour deux raisons, j'irai très vite là-dessus, c'est que le Kenya, pendant très longtemps, s'est positionné dans les conférences internationales sur le climat comme un pays qui était capable de développer des dispositifs de captation du carbone, en particulier parce qu'il disposait d'un certain nombre d'aires protégées, etc. Dans le même temps, quand le principe de la taxe carbone a été adopté qu'un marché du carbone a été mis en place, ils ont eu l'opportunité de développer, grâce en particulier à des programmes des Nations Unies pour le développement, un programme de géothermie permettant de produire de l'électricité. La géothermie ne produisait pas ou très faiblement du CO2. D'accord ? Et donc à partir de là, effectivement, cette énergie a été définie comme une énergie « green », signifiant aussi qu'un certain nombre un shift dans la politique kényane qui a consisté à dire aujourd'hui au fond l'enjeu c'est plus tellement la protection des forêts et de la nature construite dans une vision naturaliste, mais c'est plutôt le shift vers le tournant vers le développement de ces énergies dites renouvelables ou green, qui est d'ailleurs discuté, c'est une discussion qu'on a avec un certain nombre de collègues de Paris 6 du laboratoire du laboratoire sur les énergies renouvelables, de savoir effectivement qu'est-ce qui définit une énergie renouvelable. Actuellement, on a assez peu de réponses sur ces questions-là d'un point de vue physique. Mais toujours est-il que la compensation de la taxe carbone et le fait que la géothermie n'émette pas de CO2 a permis un véritable effort et a permis au Kenya de bénéficier d'un certain nombre de financements qui ont permis de développer tout un secteur industriel. À telle enseigne qu'un certain nombre de pays voisins, la Tanzanie, l'Éthiopie, ont commencé à suivre la route et que ces pays sont actuellement en pointe, notamment à l'image répandue sur les pays d'Afrique, sur la promotion des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, les biocarburants, l'éolienne et la géothermie. Et dans l'éventail des solutions, pour dire vite, la géothermie représente aujourd'hui 14% de la production électrique du Kenya, avec l'objectif de passer à 5300 MW d'ici 2030, ce qui correspond aux objectifs du millénaire du développement. En termes d'économie, quand même, pour donner un chiffre, le calcul qui a été fait de miser sur la géothermie, c'est une économie de 90 600 tonnes de CO2 par an, ce qui est effectivement assez considérable, et donc qui permettrait de surcroît de bénéficier là, à nouveau de la taxe carbone. Donc on voit bien qu'il y a tout un dispositif qui s'est mis en place et qui est en fait lié à une problématique assez classique qu'on connaît dans les milieux africanistes, qui est la rente du développement, où on voit effectivement aujourd'hui comment des énergies dites ou présentées comme vertes permettent à des États africains de se relancer sur un certain secteur. Il n'en reste pas moins que penser comme une stratégie d'adaptation est nécessaire à la nécessaire transition énergétique à l'échelle globale. Cette stratégie d'atténuation se traduit par un mouvement massif de reconversion des terres pastorales et des paysages pastoraux en, je cite, pour reprendre la problématique de la ressource, ressources pour le climat. C'est dans ce cadre-là que j'ai développé avec une jeune collègue kenyane une recherche à Olkaria qui fut l'un des premiers sites de production de la géothermie, mais aussi une terre historique des populations Maasai dites Kikunyuki. Installé au cœur de ce que les géologues ont nommé le Olkaria Volcanic Complex, le premier complexe industriel de géothermie du Kenya recouvre ce que l'on peut désigner comme un transecte socio-écologique, c'est-à-dire ce que j'entends, ce que je mets derrière transecte socio-écologique, c'est un territoire peuplé par un ensemble en apparence homogène, une sous-section des Maasai que l'on nomme les Kikunyuki, et dont la caractéristique est de représenter ou de construire ou d'avoir mis en œuvre des paysages pastoraux, en ce sens que ces terres ont été façonnées par des écosystèmes liés au pastoralisme. ce village est compris entre les localités, ce transect est compris entre les localités de Dolcaria et de Soussois, et il alterne des zones isolées d'altitude dans lesquelles les moyens de subsistance des Maasai dépendent tantôt du pastoralisme pur, tantôt du tourisme, ou encore de plaines qui sont dédiées à l'agropastoralisme. L'ensemble présente une diversité de gradients écologiques dans lesquels les Maasai ont construit en réalité des réponses sociales et politiques différenciées à leur environnement. Et dans ce contexte, eh bien, ces communautés doivent faire face à l'émergence de nouvelles activités économiques, en particulier celles liées au développement de l'industrie, la géothermie, ce qui se traduit très concrètement actuellement, et pour dire les choses très brièvement, par l'éviction complète et totale de ces populations du territoire sur lequel elles vivent. Et c'est en cela, à mon avis, qu'on est aussi dans une scène de l'Anthropocène. Green Energy, éviction des populations. Green Energy, soi-disant, bon, on pourrait en discuter plus tard, mais en fait, la géothermie est vraiment problématique parce qu'elle n'émet pas de CO2. En revanche, elle émet toute une série d'autres substances qui sont éminemment problématiques et sur lesquelles je pourrais bien revenir dans la discussion. Donc, dans ce contexte, le village d'Olcaria représente un cas spécifique pour étudier le mouvement de reconversion des terres et des ressources dans les Maasai Land. Historiquement, il est situé à la pointe sud d'un parc national réputé, Hellgate National Park, ou les Portes de l'Enfer, selon si on reprend l'appellation coloniale, qui aujourd'hui est lui-même menacé de déclassement par le premier complexe industriel de géothermie. Alors, ce qui est très intéressant, et je le note ici pour essayer de réduire un peu mon propos, c'est qu'en 1984, alors même que la géothermie en était assez balbutiement, le Kenya Wildlife Service, qui gérait le parc national de Hellgate, a signé un Memorandum of Understanding, c'est-à-dire un accord permettant le développement de la géothermie, et alors même que les populations de Maasai vivaient encore sur ce territoire. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que le Memorandum of Understanding a été signé entre KenGen et les représentants en fait, des industries impliquées dans la géothermie, les logiques conservationnistes, c'est-à-dire le Kenya Wildlife Service, et que les Maasai n'ont jamais été consultés effectivement sur ce qu'allait devenir leur territoire. C'est un grand classique, mais je le note parce que ça fait partie des questions ou des questions qui m'animent quand je travaille la thèse de l'Anthropocène. C'est que pour moi, derrière l'Anthropocène, renvoie à un processus, et Christophe Bonneuil en a aussi parlé, qui effectivement lie à la fois, ou à un continuum, qui lie à la fois des phénomènes d'appropriation et de sanctuarisation de la nature, et de privatisation de la nature, et des logiques extractives. Et dans le cas de Hellgate National Park au Kenya, on a exactement cette configuration, c'est-à-dire qu'il y a des ressources naturelles qui ont été mises en réserve pendant un certain nombre d'années, dans lesquelles on a expérimenté la géothermie depuis les années 50, et depuis les années 50, toute une série d'entreprises françaises, israéliennes, japonaises, etc., sont présentes et expérimentent. Et quand le dispositif a été prêt, alors à ce moment-là, on a signé un accord qui se traduit aujourd'hui très concrètement par ce que les Kenyans appellent le dégazettement du parc, c'est-à-dire le déclassement et le fait que ce complexe, ce parc qui visait à protéger la nature et la faune sauvage, en fait, va devenir un lieu consacré à une espèce d'extractive de la géothermie. Et on voit bien là, au fond, que l'Anthropocène peut se décliner sous un autre jour. Parce que l'histoire des rapports que les Maasai entretiennent à la géothermie et à l'éviction du territoire, c'est l'histoire, au fond, de leur éviction des territoires kényans depuis 1904. C'est-à-dire qu'en fait, bizarrement, Olkaria a constitué, dans l'histoire coloniale, un lieu de passage entre les deux grandes réserves qu'avaient créées les colons britanniques. En 1904, les colons britanniques prennent les terres qui sont dans le nord du Kenya ou dans le nord central de Laikipia et se heurtent aux Maasai. Ils les prennent parce que ce sont des terres riches qu'ils veulent les donner à leurs fermiers blancs. et ils organisent une première réserve qui s'appelle l'Ekipia, et ils évacuent une partie de la population à la frontière entre la Tanzanie et le Kenya, et ça va être la Southern Maasai Reserve. Or, il se trouve que Olkaria, c'est une gorge qui permettait le passage du nord vers le sud, et que effectivement, dans l'histoire des Maasai, ça a été probablement un haut lieu de résistance des Maasai à la colonisation. Donc en fait, il y a tout un enjeu qui tourne autour de la question de la perception que les Maasai ont de ce territoire et de la manière en fait, dont ils ont conceptualisé eux-mêmes la notion de paysage. Alors je vais aller très vite pour en arriver à la conclusion et en venir à cette idée de paysage contesté. En fait, pour ne rien vous cacher, étant anthropologue et ayant eu à travailler dans un contexte assez difficile avec des Maasai qui, dans cette région du Kenya, ont vu leur maison brûler, c'est-à-dire que depuis 2014, il y a plus de 200 familles Maasai qui ont vu leur maison brûler par des milices dites Mungiki et qui sont à la solde de l'industrie géothermique et aussi, il faut le dire, du gouvernement kenyan, du président Uhuru Kenyatta, mais ça, c'est des questions foncières dans lesquelles je ne peux pas rentrer. Une des questions que nous nous sommes posées, c'est comment faire pour que le territoire de ces gens-là ne soit pas vu uniquement comme une ressource, mais aussi comme un héritage culturel de ces populations, ce qui paraît complètement banal, mais ça n'est pas banal dans la mesure où le problème de la majorité des populations pastorales au Kenya, c'est qu'elles n'ont absolument aucun titre sur la terre, à la différence des fermiers qui ont des titres de propriété. La plupart des communautés Maasai fonctionnent toujours ou en partie sur le modèle des communs et donc n'ont, du point de vue du droit international, aucun droit à faire valoir. Et donc quand une entreprise comme celle-là débarque, elles ne peuvent rien faire. Et c'est pourquoi en fait nous avons engagé tout un travail sur qu'est-ce que ça signifie que ce paysage, ces gorges d'Olkaria pour les Maasai. Alors paradoxalement, en langue ma, on ne trouve pas d'équivalent au terme ou au concept de paysage tel, ou de landscape tel qu'il a été construit dans nos traditions occidentales. Enfin, c'est quelque chose sur lequel Descola a largement travaillé. Et pour illustrer ce point, je mentionnerai simplement une expérience que nous avions menée en 2014 dans le cadre de notre projet intitulé « Résilience des paysages en Afrique de l'Est ». Ou avec une jeune collègue, Christina Dongo, qui est d'ailleurs dans cette salle, environnementaliste et anthropologue kenyane, nous nous interrogions sur la manière de mobiliser la notion de paysage dans la compréhension des changements socio-écologiques passés et présents de la région du lac Naivasha. Et dans cette région, il s'agissait d'abord pour nous de décrire et de comprendre, à l'aide d'une approche croisant l'écologie historique et les sciences environnementales, comment l'inclusion rapide et massive des sociétés pastorales dans des agricultures commerciales mondialisées, en particulier les farm flowers qui sont juste à côté et qui produisent les roses que vous achetez ici sur le marché européen, avait modifié ou non le rapport de ces éleveurs sédentaires, que ces éleveurs sédentaires entretiennent à leur environnement naturel, je dirais plutôt à leur milieu. Si nos recherches se sont alors en définitive orientées vers la géothermie, la question est restée la même, puisqu'elle permettait de reconsidérer le rapport des sociétés à leur nature, c'est-à-dire de décrire des passages et des ruptures entre des ontologies différentes, c'est-à-dire entre une ontologie de la modernité et, je vais dire, une ontologie qui procède par analogie, même si c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Et pour ce faire, donc, il fallait préalablement s'assurer de la pertinence de ce concept. Alors les difficultés n'ont pas été simples, puisqu'elles commencèrent dès lors que nous avions essayé, reprenant la technique des mental maps, d'expliquer aux jeunes élèves Maasai d'une école primaire d'Olkaria et de Longot ce que nous entendions par dessiner un paysage. Et après quelques délibérations avec notre collègue et ami conservationniste Deborah Nightingale, que les Maasai eux-mêmes surnomment, je le dis, c'est amusant, Mamanougou, c'est-à-dire la mère des singes, mais on est toujours dans des relations justement non dichotomiques, dans cet espace, mais aussi avec David Western, eh bien, nous avions dû conclure à l'absence d'un tel terme en langue. Et lorsqu'ils évoquent le paysage, en fait, les Maasai utilisent le terme Swahili, Mazingira ou Mazingara, qui, en fait, ne réfère pas non plus à la notion de paysage telle que nous la connaissons dans nos sociétés, mais à l'idée d'environnement, d'alentour, ce qui est au-dehors de nous. Mazanguera désigne les alentours humains et non humains, y compris l'environnement physique, y compris le bétail, et donc une notion qui est peut-être assez proche de celle de Millet. Si on regarde maintenant les dessins qui étaient produits par les jeunes Maasai, on se rend compte que quand on leur demandait de dessiner un paysage, ils dessinaient vraiment des choses qui étaient très proches dans leur environnement immédiat, c'est-à-dire les manyatas, les montagnes alentour, et parfois des montagnes qui étaient des sites culturels, un Kaibartani, un Kurtuto, dont je ne détaille pas, les troupeaux, les enclos. Autant d'éléments, en fait, qui renvoient à un autre terme en langue ma, nkop ou nkwapi au pluriel, et qui signifie land, country, earth, ground. Je prends là des dictionnaires anglophones. Alors, en fait, ce terme est parfois utilisé pour désigner, au fond, everything, toutes les choses, sans indistinction. Un cop, en fait, réfère à quelque chose, non pas que l'on possède, mais en tout cas à quelque chose auquel on appartient. Voilà. Et en fait, un cop, je pense, est un terme qui, en langue ma, est très proche de la notion de cosmos. Voilà. Alors, je vais terminer, j'en ai vraiment plus pour longtemps. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que derrière cette notion d'Enkop, on voit comment l'ontologie des Maasai, ou la représentation que les Maasai ont de leur environnement, perçue à travers la notion de paysage, est pensée à travers une logique du lieu et quelque chose qui relève d'une pensée du milieu. C'est-à-dire que plus on avance dans la description, et plus on s'en rencontre. Et je donnerai le récit d'un mythe, ici, Maasai, qui traduit exactement cette relation. J'ai dit que le territoire de ces gens avait été confisqué pour faire un parc national et que, en fait, ce parc s'étend dans des gorges qu'on appelle les gorges de Njorua et dans lesquelles se trouvent, en fait, trois grandes tours rocheuses de 25-30 mètres à des distances de entre 200 et 300 mètres orientées nord-sud. Ces trois grandes tours rocheuses forment des repères incontournables entre le parc de Hellgate et les gorges d'Olkaria, et les Maasai les regardent sous la forme d'un mythe. Selon eux, ces trois tours forment une procession de mariage dans laquelle figurent trois personnages, Enkai Bartani, Shepukera et Olpayan. Enkai Bartani en ma, la première des tours, signifie l'excision des... une jeune fille nouvellement excisée en préparation pour le mariage. Donc elle est en situation de transition. Elle participe à la cérémonie d'excision Emurata, qui signifie le passage d'une fille à celui d'âge adulte. Et le mythe raconte qu'en cheminant dans les gorges à la rencontre de son mari, elle a regardé en arrière le jour de son mariage et qu'elle est alors devenue une roche. C'est la première roche que les Britanniques et ensuite les conservationnistes ont renommée Fisher Tower. On croit que la jeune fille regardait le lac Naivasha et qu'elle pensait au trésor qu'elle laissait derrière elle. La deuxième tour, renommée Central Tower par les colons britanniques, représente Chepukera, littéralement l'ambassadeur ou l'homme de confiance, qui est chargé par la famille d'Enkai Bratani de mener la jeune fille à son mari. Chepukera était le compagnon d'Enkai Bartani et son rôle était d'ouvrir la voie à la fille tout en s'assurant qu'elle respecte les coutumes. Or, quand la fille regarda en arrière, lui aussi regarda en arrière, il se transforma en rocher et il devint Chepukera, que les Britanniques renommèrent les conservationnistes Central Tower. Quant au mari, qui se situe au fond de la gorge, eh bien lui, il a disparu de l'histoire des conservationnistes et cela est très intéressant. La morale de cette histoire, je vais réduire un petit peu l'histoire, mais donc Olpayan, le mari, lui aussi cherchant sa femme dans les gorges, va se retourner et se transforme en roche. La morale de cette histoire, selon nos informateurs Maasai, eh bien, c'est que le témoignage du cœur ne doit pas être terni. signifiant que l'homme de confiance a mis la jeune fille en échec, il ne lui a pas dispensé un enseignement adéquat, et donc il l'a fait faillir. Mais ce qui est très intéressant dans ce mythe, et c'est là que ça m'intéresse, c'est que ce mythe, je l'ai récolté un jour où précisément j'essayais de comprendre ce que signifiaient les sites culturels pour les Maasai et d'essayer d'en faire l'inventaire. Or, oui, c'était quelque chose que je n'arrivais pas à faire, à traduire, à récolter. Mais en fait, c'est ce jour-là, nous avions passé la journée à faire une grande balade dans les gorges, et nous étions complètement crevés, pour dire les choses. Et c'est en remontant les gorges, justement dans un état un petit peu second, qu'avec mon ami Santero, et Christine était présente d'ailleurs, que Santero commença à nous parler des gorges alentours et de la relation émotionnelle et pratique que les Maasai avaient avec ces gorges. Et en fait, je pense qu'effectivement, c'est là que surgit une représentation du paysage, mais représentation du paysage qui est très intéressante puisqu'elle montre très clairement l'analogie qui existe entre les Maasai tels qu'ils se représentent et le milieu, là en l'occurrence, une strate, on va dire, géologique. Alors, ce qui est très intéressant, je conclue. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que l'empilement en fait, des strates historiques, que ce soit Elgaïque National Park ou ensuite l'émergence de la géothermie, etc., via le discours de l'État et le discours du développement, vise à effacer cette histoire Maasai des mémoires, et y compris des mémoires Maasai. Et je pense que l'une des raisons, et c'est un débat que j'aimerais bien avoir, c'est que, en fait, le travail que nous essayons de faire là, c'est de décrire une ontologie de la nature. Mais en fait, le système, une des spécificités de l'anthropocène et du milieu moderne dans lequel nous vivons, c'est précisément qu'il met aujourd'hui en concurrence ces ontologies de la nature avec l'une d'entre elles qui vise à éradiquer toutes les autres et qui donc empêche la possibilité de penser toute alternative. Et je pense que c'est une question qu'on doit prendre très très au sérieux, en particulier en anthropologie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, comment est-ce qu'on fait pour réintroduire du sujet historique, par exemple, dans la compréhension de ce que sont ces ontologies de la nature. Parce qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se contenter et se limiter à les décrire. Il faut les réinjecter dans les systèmes tels qu'ils fonctionnent. Et je pense que c'est là vraiment que l'anthropologie a un rôle à jouer du point de vue de l'anthropocène. Voilà. Je vous remercie. Désolé d'avoir été trop long. Merci.